Si tu veux gouverner, il faut que tu crées une harmonie. Pour ça, il faut que ton peuple, il soit ni trop heureux, ni trop malheureux. Puis si possible, il faut qu'il alterne un peu. Ça, c'est des techniques de gouvernance que moi, je suis pas d'accord, mais qui ont encore cours aujourd'hui. C'est vieux. Mais si ça C'est bien court connu. dans le fond, c'est parce que ça marche. Oui, ça va toujours marcher, c'est ça le plus. Pour ça, moi, je suis pour une certaine éducation des particuliers. Parce que comme ça, ils viennent au monde des anomalies. Parce que, les choses qui ont vraiment fait avancer, je veux dire, les sociétés, puis tout, c'était des individus qui étaient des anomalies. Puis souvent, c'est des concours de circonstances. Mais pour ça, il faut que l'information soit disponible. C'est-à-dire, si il y a des individus qui ont le potentiel d'être des anomalies par rapport, je parle des anomalies par rapport à cette systémique sociétale-là Oui. qui est vieille. Ben, ce sont les exceptions qui confirment la règle dans un sens. Ouais, mais c'est eux autres qui changent tout. Parce qu'ils forcent, le vieux système à s'adapter. Oui, c'est des Puis il y a tout le moteurs temps une de phase. changement, de renouvellement. C'est eux autres qui vont mettre en place des fins de cycle ou des nouveaux cycles qui vont faire émerger une nouvelle créativité. Ouais, mais c'est parce que c'est plus. C'est moins. Le pire, c'est que c'est la première fois que je vais te dire ça, mais c'est moins subtil que ça. C'est vraiment brut, ces affaires-là. Je veux dire, c'est violent. C'est violent. Ce qui fait qu'un peuple qui meurt, c'est violent. Un peuple qui apparaît, c'est violent. C'est tout le temps violent. Les choses évoluent dans le traumatisme au niveau collectif. Et même au niveau individuel. Fait. Mais il reste que la vision, là, que j'essaye d'exposer de. Il reste que je le sais que c'est la bonne pour avoir José Dumont. Mais il reste que c'est tellement difficile. C'est pas des affaires qui se conçoivent. Faut vraiment que tu sois capable de le voir concrètement. Parce que c'est tous les jours, tout le temps. Je veux dire, on vit dans cette société-là. Puis c'est juste le contexte qui a évolué. J'ai les moyens, les techniques, c'est juste ces choses-là. Tout le fond, l'être humain, il a les mêmes réflexes, il est exactement pareil comme avant.